excellent début de soirée. Merci de nous écouter à Brionne notamment. Il est 18h, tout de suite un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'avocat général a requis aujourd'hui 6 ans de prison contre Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique et maire en exercice de Draveil en Essonne. Depuis le 23 octobre, il est jugé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis aux côtés de son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Tous les deux sont accusés de viol et agression sexuelle en réunion sur 2 anciennes employées municipales. Contre Brigitte Gruel, l'avocat général a requis 4 ans de prison. Il demande également leur inscription au fichier des délinquants sexuels et 5 ans d'inéligibilité. Le verdict est attendu demain, plus de 7 ans après les dépôts de plainte en mai 2011 des 2 ex-employés. Le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, a déploré aujourd'hui un manque de décence élémentaire de la part de Donald Trump, auteur d'une série de tweets très critiqués contre la France hier, 3 ans après les attentats à Paris et Saint-Denis. À peine rentré de Paris où il avait célébré la paix avec les autres dirigeants du monde, Donald Trump s'est en effet vivement attaqué à la France et à Emmanuel Macron, dont il a raillé la très faible cote de popularité. Il a de nouveau attaqué la proposition de son homologue français de créer une armée européenne. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé sa démission, plaçant le gouvernement de Benjamin Netanyahou dans la tourmente au lendemain d'un accord de cessez-le-feu avec les groupes palestiniens dans la bande de Gaza. Le ministre ultranationaliste a dénoncé devant la presse le cessez-le-feu comme une capitulation devant le terrorisme et a appelé à des législatives avant l'échéance fixée à novembre 2019, jetant l'incertitude sur l'avenir du gouvernement en place depuis 2015. Parallèlement à cette annonce, un Palestinien a été tué aujourd'hui dans le nord de la bande de Gaza par des tirs israéliens à la frontière. Après son transfert à Chelsea, le milieu de terrain français N'Golo Kanté a refusé un montage offshore et le versement d'une partie de ses revenus à Jersey, révèle Mediapart aujourd'hui dans le cadre des Football Leaks. Au total, c'est 20% des revenus du joueur qui devaient être versés sous forme de droits à l'image, soit 1 400 000 euros par an, avec des impôts moins élevés que pour un salaire classique. Enfin, c'est une vente aux enchères exceptionnelle. De fabuleux bijoux de Marie-Antoinette, dont une bague en diamant renfermant une de ses mèches de cheveux, vont être proposés à la vente à Genève. Ces 10 bijoux exceptionnels font partie d'une collection provenant de la famille Bourbon-Parme. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans les 7 prochaines minutes, Shawn Mendes, le nouveau avec Lost in Japan et tout de suite The Prince Karma avec un Later Bitches. L'After School d'espace. so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Bitches. Pensez, mais moi j'aime plutôt bien, tranquille, comme ça. Le nouveau Shawn Mendes sur Espace, les Normands, les Picards, c'était Lost in Japan. Il est quasiment 18h10, on marque une petite pause et dans quelques instants, on repart avec un George Ezra et Shotgun. Espace, Espace Radio. Time flies by in the yellow and green.

Thiago à l'instant avec Kenji Girac. J'espère que votre journée s'est bien passée. En tous les cas, merci de nous écouter régulièrement par dizaines de milliers chaque semaine sur les 6 fréquences régionales d'espace, mais également sur les box Orange et via internet, forcément. Avant 18h30 dans la catégorie des classiques dance, on écoutera ça. Nous les avons cherchés, dépoussiérés, écoutés. Nous vous diffusons le meilleur. Également un petit Deodato avec Fire in the Sky. Les Classic Dance. Passez une très très bonne soirée en Normandie Picardie sur une partie également de l'Île-de-France. 18h20, tout de suite d'Orion, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est mercredi le 14 novembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec ce soir à Rouen dès 19h au Musée des Beaux-Arts des cours de nu sur des modèles vivants. Ensuite, rendez-vous à 20h du côté de la Chapelle Corneille pour le spectacle de Katia Guerrero à la librairie L'Armitière. Toujours à la même heure, vous retrouvez la Mander Party. On se dirige ensuite au Zénith de Rouen évidemment avec ce soir sur scène Laurent Gérard. Demain ce sera Dadju et puis dimanche Big Flo et Oli. C'est à ne surtout pas manquer, programme assez chargé. Et ce samedi 17 novembre, du côté d'Honfleur, au Grenier à Sel, vous avez rendez-vous pour le spectacle Enfance et Partage, avec en première partie le concert de la chorale Sac à dos et en deuxième partie le spectacle de l'école Studio Gym. Et puis évidemment, ce samedi 17 novembre, du côté des Andelys, au gymnase Housset, la 5e brocante organisée par l'association Aide Mon Projet. Vous pouvez avoir plus d'infos au 06 38 42 73 27. Laissez-nous vos messages comme d'hab, 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Está mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, ah. Tus ojos me concentran como Adelar, uh. Contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, Que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo featuring Drake avec un Mia. Demain, on rejouera pour les derniers passes VIP pour l'édition 2018 de la Foire Saint-Romain de Rouen, avec notamment Espace maintenant à 18h25. Je vous envoie 6 minutes de son 80 mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. Funky Mix. La première émission dance classique. We'll be right back. bienvenue à bord tout le monde. Très bon début de soirée en Normandie Picardie sur une partie de l'île de France. Vous retrouverez ce type d'ambiance dès 21h et jusqu'à 23h. Chef d'orchestre, Manu, merci d'avoir choisi Espace. 18h30, tout de suite un nouveau point d'actu local et régional. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie Picardie. Bonsoir à tous. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé ce matin plusieurs mesures d'accompagnement pour épauler les Français face à l'augmentation du prix du carburant, notamment une super prime de 4000 euros pour les 20% des Français les plus modestes pour acheter un véhicule d'occasion qui consomme moins. Et puis l'élargissement également des indemnités kilométriques pour ceux qui font plus de 60 km par jour. Édouard Philippe a annoncé des sanctions et que la loi s'appliquera en cas de blocage des routes par les gilets jaunes samedi. Des rassemblements sont d'ailleurs prévus à Évreux, Rouen-le-Havre, Beauvais, Gaillon, Louviers, Gisors ou encore Bernay. Le Conseil d'État saisi par la société MGE Normandie, promotrice du projet de village des Marques de Douin, vient d'annuler une décision de la Cour administrative d'appel de Douin qui avait elle-même annulé l'autorisation accordée au projet par la Commission nationale d'aménagement commercial en 2015. Ce village verra donc le jour, à la grande joie de Frédéric Duché, le président de Seine-Normandie Agglomération. Excellente nouvelle puisque cela va créer de l'activité économique et va permettre des embauches sur notre territoire puisque le projet MacArthur Glen, c'est 600 emplois et quelques millions d'euros de commandes pour les bâtiments publics. Le projet qui est porté par MacArthur Glen est un projet d'un concept d'outlet sur des magasins de luxe, pas du tout en concurrence avec le centre-ville de Rouen, pas plus que celui de Vernon ou celui d'Évreux. On ne va pas s'amuser à monter des projets qui vont desservir nos centres-villes. Ce serait complètement incohérent. Mais Honfleur n'est pas tout à fait le même concept non plus que celui de MacArthur Glen. Donc je reste confiant sur le projet. Alors évidemment, on aurait préféré que le projet puisse arriver bien plus tôt. Le projet prévoit plus de 80 boutiques et 2 pôles d'excellence, notamment dédiés à l'automobile et à l'éco-construction. Les travaux devraient démarrer au cours de l'année prochaine. La communauté d'agglomération de Lisieux ne souhaite pas voir une troisième boulangerie s'installer en périphérie de la capitale augeronne. Malgré la signature d'un compromis de vente, l'intercommunalité a refusé de céder le terrain au promoteur qui avait prévu d'implanter l'enseigne à Marie Blacher. Le promoteur disposant d'un permis de construire délivré par la ville de Lisieux, l'affaire pourrait se régler devant la justice. Il faut savoir que la ville de Lisieux ne pouvait pas refuser ce permis, la surface étant inférieure à 1000 mètres carrés. Après l'ancienne maison de retraite de la rue du Hameau des Brouettes, Armand et 2 autres squats dont ils avaient été évacués, les militants de la Garenne ont décidé d'occuper cet après-midi un amphithéâtre de l'université de Rouen à Mont-Saint-Aignan pour mettre à l'abri une vingtaine de mineurs étrangers. En fin d'après-midi, la police est intervenue pour faire sortir les militants, ce qu'ils ont fait. Le département de Seine-Maritime, qui a l'obligation légale de prendre en charge les mineurs isolés non accompagnés, se dit dépassé par un flux quotidien de mineurs à Rouen et au Havre. Rouen et sa métropole viennent de recevoir le Grand Prix National du Paysage pour la réalisation du projet réussi de reconquête sur près de 3 km de quai rive gauche. La finesse des aménagements et l'attention portée à l'identité des lieux, aux usages et aux vivants sont ainsi récompensés. L'aménagement des quais rouennais va concourir pour le prix du paysage du Conseil de l'Europe en 2019. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, ça devrait s'éclaircir au fil de la journée, avec un thermomètre à 10 degrés au meilleur de l'après-midi sur Songeon ou encore le Pays de Bray, 11 degrés sur Le Neubourg, Beauvais et le Vexin Normand, et 12 degrés à Vernon, Louviers, Val-de-Reuil, 13 à Rouen et 14 degrés à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 9 10 degrés, indice de l'air nickel avec Atmo Normandie, j'ai 3 sur 10 partout, l'intax 7, nouvelle demi-heure avec un Dan Balan et Numa Numa sur Espace. I'm all right. Oh, my, yeah, I mix that waist with the rhythm with just her acapella.

Salut à tous, nous sommes le mercredi 14 novembre. Ce soir sur TF1, Esprit Criminel, toute la soirée, des inédits en première partie et des rediffs en seconde. France 2, c'est un événement, le retour de cette série qui est absolument géniale, 10%. Ça se passe dans le monde des attachés de presse et des agents artistiques, que c'est plutôt bien fait, tellement réel. On voit bien quand même que ce sont des gens du métier qui ont écrit ce téléfilm, entre autres Dominique Besnéard. Oui, je suis le plus grand agent français. Sans oublier des comédiens qui y jouent leur propre rôle. France 3, des racines et des ailes, passion patrimoine. Nous sommes sur la route du Midi Toulousain, 23h35, pièce à conviction, excellente émission d'enquête. Panique à la mairie quand les élus dérapent, et le moins que l'on puisse dire, si on suit un petit peu l'info, c'est que ça arrive très très très souvent. Canal, Battle of the Sex. Même si vous ne parlez pas vraiment anglais, vous pouvez un petit peu comprendre le sujet. C'est une comédie dramatique. L'histoire se passe en 1973. Une joueuse de tennis commence à foutre le dawa quand elle apprend que le gagnant masculin de l'US Open de tennis gagne 8 fois plus qu'elle, qui a gagné le tournoi. Donc du coup, elle va remuer tous les États-Unis pour arriver à ses fins. Arte, un film d'animation, La Tortue Rouge. Un homme accroché au reste de son embarcation suite à une violente tempête rencontre une tortue rouge et pourtant il ne s'est pas drogué, ou alors on ne m'a pas prévenu. M6, Le Meilleur Pâtissier, c'est la finale ce soir avec une spéciale fête foraine, un gaudriole à gogo, à coups de sucre, de meringue, de barbe à papa et de pommes d'amour. Le meilleur de la TNT, C8 Access, la série d'Ahmed Silla, W9 Enquête Criminelle, TMC, des inédits de Burger Quiz avec Alain Chabat et tous ses amis. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 40 19 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. 19h d'Orient pour l'Afterwork, 21h Manu pour Funky Mix. Je vous embrasse, passez une très belle soirée Rancard pour ma part demain 17h. Ciao. I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.

Il nous réunit tous, ce titre-là, que ce soit en voiture ou même à la maison. C'était Jean Schultes, Confidence pour Confidence, dans l'afterwork de ce mercredi soir sur Espace. Passez une très belle soirée, soyez prudents sur les routes. Et puis on n'oublie pas, hein, si on est sur l'autoroute, on passe au péage. Et puis si on est sur les anciennes routes à 90, on pense à rouler à 80 km/h. 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous, Édouard Philippe, le Premier ministre a annoncé ce matin plusieurs mesures d'accompagnement pour épauler les Français face à l'augmentation du prix du carburant, notamment une super prime de 4000 euros pour les 20% des Français les plus modestes pour acheter un véhicule d'occasion qui consomme moins. Et puis l'élargissement également des indemnités kilométriques pour ceux qui font plus de 60 km par jour. Édouard Philippe a annoncé des sanctions et que la loi s'appliquera en cas de blocage des routes par les gilets jaunes samedi. Des rassemblements sont d'ailleurs prévus à Évreux, Mont-le-Havre, Beauvais, Gaillon, Louviers, Gisors ou encore Bernay. Et puis d'autres mesures gouvernementales, cette fois, concernent le chauffage de la maison. Solène Duloup. Le chèque énergie versé aux ménages modestes pour les aider à payer leur facture d'énergie sera élargi pour toucher 2 millions de foyers en plus en 2019. Édouard Philippe a également annoncé vouloir supprimer toutes les chaudières individuelles au fioul d'ici 10 ans en France. Nicolas Palloc de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure expose les alternatives. La chaudière petit bois granulé, elle a des caractéristiques assez similaires en termes de puissance de flamme, en termes de température. C'est vraiment un outil sur lequel, à part la question du stockage, se remplace très très bien sur du fioul. Des systèmes de pompe à chaleur. Il y a des systèmes qui vont aller chercher les calories dans l'eau, il y a des systèmes qui vont aller chercher les calories dans l'air, il y en a qui vont aller les chercher dans le sol, qui après, en fait, sont capables de restituer cette source de chaleur dans l'installation. Dans un territoire urbain, le raccordement au gaz naturel peut aussi être une solution. En tout état de cause, changer de mode de chauffage ne suffit pas pour réduire la facture à long terme. Il y a énormément de bâtiments qui étaient au fioul, sont plutôt des bâtiments des années 50 jusqu'aux années 80. Et du coup, ces maisons-là, si on ne prend pas en compte les améliorations thermiques, en fait, remplacer une chaudière, ce n'est que mettre un pansement sur une plaie ouverte, quoi. Pour réaliser un diagnostic sur les travaux possibles, comptez 1 000 à 1 200 euros. La région peut octroyer une aide allant jusqu'à 800 euros. On reparle du village des Marques de Douin. Le Conseil d'État, saisi par la société MGE Normandie, promotrice du projet, vient d'annuler une décision de la Cour administrative d'appel de Douai qui avait elle-même annulé l'autorisation accordée au projet par la Commission nationale d'aménagement commercial en mai 2015. Le projet, qui pourrait créer 600 emplois, prévoit plus de 80 boutiques et deux pôles d'excellence dédiés notamment à l'automobile et à l'éco-construction. Les travaux pourraient débuter dès l'année prochaine. La communauté d'agglomération de Lisieux ne souhaite pas voir une troisième boulangerie s'installer en périphérie de la capitale Augeronne. Malgré la signature d'un compromis de vente, l'intercommunalité a refusé de céder le terrain au promoteur qui avait prévu d'implanter l'enseigne à Marie Blacher. Le promoteur, disposant d'un permis de construire délivré par la ville de Lisieux, l'affaire pourrait se régler devant la justice. Il faut savoir que la ville de Lisieux ne pouvait pas refuser ce permis, la surface étant inférieure à 1000 mètres carrés. Après l'ancienne maison de retraite de la rue du Hameau des Brouettes, Armand et deux autres squats dont ils avaient été évacués, les militants de la Garenne ont décidé d'occuper cet après-midi un amphithéâtre de l'université de Rouen à Mont-Saint-Aignan pour mettre à l'abri une vingtaine de mineurs étrangers. En fin d'après-midi, la police est intervenue pour faire sortir les militants, ce qu'ils ont fait. Le département de Seine-Maritime, qui a l'obligation légale de prendre en charge les mineurs isolés non accompagnés, se dit dépassé par un flux quotidien de mineurs à Rouen et au Havre. Et puis sachez que Rouen et son agglomération viennent de recevoir le Grand Prix National du Paysage pour la réalisation de l'aménagement des quais rive gauche. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, ça devrait s'éclaircir au fil de la journée avec un thermomètre à 10 degrés au meilleur de l'après-midi sur Songeon ou encore le Pays de Bray, 11 degrés sur Le Neubourg, Beauvais et le Vexin Normand et 12 degrés à Vernon, Louviers, Val-de-Reuil, 13 à Rouen et 14 degrés à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Il va faire encore frais demain, mais on se couvre et tout ira bien. Merci Eric. Prochain point à 20h30. Pour l'instant, 19h35, nouvelle demi-heure dans l'afterwork avec Dan Balan, Mouman Matou. Marley Waters, Timbaland. what's up. The new Numa Numa is ready to drop. I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all ahead. Oh, mama, hey, I mix that waist with the rhythm. With just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Cuando veo amanecer, las estrellas desaparecen, Pachamama.